Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 42. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête pour cette dernière de la saison et nous serions ce matin, le dimanche 25 juin 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es « dois faire ses preuves à l'examen », tu es « passe ton bac d'abord », tu es « anti-sèche », tu es « mention assez bien », tu es « il vous reste 5 minutes » et tu es aussi… Tu sais, il y a des personnes qui ont leur bac et qui sont quand même vendeuses ou caissières dans les supermarchés. Oui. Oh ça, le bac, c'est plus ce que c'était. Quand on avait son certif, c'était quelque chose. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es le roi des diplômes, tu es baccalauréat. Dans une semaine, le lundi 3 juillet, les 640 000 candidats du baccalauréat 2006 auront enfin leurs résultats. Collés, repêchés ou mentionnés, tel est leur destin. Alors, à l'heure où pour certains, les oraux de rattrapage vont bientôt débuter, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pour clore la saison, de s'intéresser à ce fameux diplôme qui fout la trouille à tout le monde, y compris aux parents. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle du baccalauréat. Pour commencer, de Napoléon Ier à François Fillon recalé, il faut retracer l'histoire du célèbre Bachot. Ensuite, il faudra dresser une typologie des différents candidats qui vont devoir affronter l'oral de rattrapage. Dans quelques jours, on enchaînera sur une interview exclusive du professeur Rollin qui viendra nous délivrer quelques conseils utiles pour optimiser l'oral du bac, justement. Et d'ailleurs, dans la foulée, nous tenterons de voir si nos leaders politiques se souviennent de leur oral au baccalauréat quand ils préparent leur discours aujourd'hui. Et enfin, te raconter cette angoisse qui accompagne Monique et Jean-Claude puisque leur fille Elsa attend fébrilement les résultats du bac qu'elle a passé il y a quelques jours. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et révise tes classiques. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured, now I find a gentle mind, and open up the doors. Please, please help me. Help, c'est ce que chantent les Beatles en 1965. Au secours, c'est sans doute les seuls mots que les candidats au baccalauréat, l'estomac noué et la gorge serrée, arrivent à prononcer avant d'aller passer leur oral de rattrapage. Allez, c'est bien connu, pour ne pas avoir peur, il suffit d'imaginer l'examinateur tout nu, même si, c'est vrai, ce n'est pas toujours agréable. Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé d'être à l'unisson avec les 640 000 candidats au baccalauréat, qui sont en réalité plus d'un million si l'on compte les élèves de première qui passent les épreuves anticipées, en particulier le français. Tout d'abord, le baccalauréat a été instauré par Napoléon Ier en 1808. Il fallait avoir plus de 16 ans pour passer cet examen, qui ne comportait alors que des épreuves orales de grec, de latin, de rhétorique, d'histoire et, bien sûr, de géographie. Élève Troufigne, présent. Vous connaissez bien la géographie. Eh bien, citez-moi les départements, les fleuves et les villes de la Normandie, ses spécialités et ses représentants. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que coule la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est là que mourut Philibert Besson. Bravo, mon ami, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. On lisait papa, on lisait papy, on lisait papillon. Et oui, le baccalauréat instauré en 1808 fut d'abord une épreuve de littérature à l'oral. C'est en 1821 que le baccalauréat S-Sciences fut créé et en 1830 apparaît la première épreuve écrite. Longtemps, le baccalauréat a été réservé à une élite, à l'instar d'un système scolaire où seuls les fils de la bourgeoisie avaient accès au lycée. Ainsi, en 1808, il y eut seulement 31 bacheliers, uniquement des garçons. Il faut attendre la fin du 19e siècle, en 1861, pour qu'une fille, Julie Daubier, obtienne le diplôme. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la démocratisation de l'enseignement et l'ouverture des lycées aux classes populaires, le baccalauréat avait besoin d'être réformé, ce qui eut lieu en 1968. Sont alors créées les séries A, B, C, D, E, ainsi que le bac technologique. Les épreuves sont également modifiées au printemps 1969. « 187 911 candidats ont commencé il y a une demi-heure les épreuves du bac 1969, un baccalauréat nouvelle formule. Au moment où se pose le problème de l'avenir de cet examen, le recteur Antoine répond aux questions d'Yves Mourouzi. Ne croyez-vous pas, monsieur le recteur, qu'en 1969, cet examen presque séculaire, plus de séculaire maintenant, est un peu dépassé par les événements et qu'il est ni moderne ni actuel ? Ce baccalauréat 69, dans sa forme, c'est un examen qui tend à devenir examen de vérification. Avez-vous remarqué comme c'est fait ? Un premier groupe d'épreuves qui permet de dire « ceux-ci à ma dextre sont les meilleurs, ils ont 12 et plus, je les déclare dignes du titre de bachelier, je les mentionne, et puis ceux qui ont moins de 8, et ceux-là, décidément, ne sont pas de niveau, ils repasseront l'an prochain ou ils feront autre chose. » Et puis vient ce second groupe d'épreuves qui est, en somme, une vérification portant sur les cas douteux. Ainsi, en 1969, le baccalauréat prend la forme actuelle avec des épreuves anticipées de français en première et, pour les terminales, la possibilité d'un rattrapage à l'oral. Dans les années 60-70, le bac apparaît de plus en plus comme un passage obligé et c'est pour ça que les parents, ils poussent souvent leur môme à passer le bac. Gérard, j'étais trop bon avec toi. Lorsque tu as abandonné, lâche-moi tes études. Tu aurais pu aller jusqu'au bac pour faire plaisir à ta pauvre mère. Et puis, si tu avais eu ton bac, tu aurais pu rentrer. Tu aurais pu être... Chômeur, oui. Mais au moins, tu aurais été un chômeur honnête. Oh là là, ça! Monsieur fume du hakik avec les bikinis. Eh oui, les beatniks, ils fument du hakik et ils n'ont pas leur bac, ce qui est mal vu dans une France qui connaît le chômage à partir du milieu des années 70. Les études longues apparaissent alors comme le moyen d'échapper au chômage et le nombre de candidats au bachot ne cesse d'augmenter. Ils étaient 150 000 en 1973 et 242 000 six ans plus tard. Le bac, fin de la première journée pour les candidats qui étaient 242 850 à plancher aujourd'hui sur les épreuves de philosophie. Les sujets étaient divers, en série A par exemple, en région de Paris. Une société sans religion est-elle possible ? À la sortie des examens, Annette Ardisson a voulu savoir ce que les jeunes bacheliers pensaient des sujets proposés, intéressants dans l'ensemble. Maman, ça a marché ! Oui, c'était une société sans religion est-elle possible ? Enfin, j'ai démontré que non, parce que la société, ça impliquait la communication et que l'absence de religion, c'était au contraire un repli sur soi-même avec les croyances personnelles et puis c'était pas possible. Je voudrais vous demander ce que vous avez choisi comme sujet. Je sais plus, j'en ai marre. Qu'est-ce que vous avez choisi comme sujet ? Peut-on imaginer une société sans religion ? Et ça vous a inspiré ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce que vous avez cherché à démontrer ? L'idée principale ? Oh, j'ai fait pour que ça fasse bien, en fait, je m'en fous. Eh oui, grâce au baccalauréat, les adolescents découvrent la philosophie et donc des questionnements nouveaux sur l'être, sur les passions et sur le sens de la vie. Tout cela à un âge où la question principale, c'est bien souvent « Vas-y, t'as chopé ce week-end ?» Donc, le baccalauréat se démocratise et le nombre de bacheliers ne cesse d'augmenter. 36% de la classe d'âge en 1989, 63% en 1993, l'objectif étant bien sûr les 80% souhaités par les socialistes dans les années 80. L'histoire du bachot, c'est surtout l'histoire d'une multiplication des options et des filières, dont certaines intriguent de grands pédagogues dans la tradition de Célestin Freinet ou de Philippe Mérieux. Vous passiez un bac G, un bac à bon marché, dans un lycée poubelle, ouverture habituelle. Des horizons bouchés, votre question était, faut-il désespérer ? C'est vrai qu'il est désespérant, ce Sardou. Alors, c'est quoi le baccalauréat ? Eh bien, c'est un diplôme qui fut longtemps élitiste et qui s'est peu à peu démocratisé. Le baccalauréat est aujourd'hui encore un diplôme national qui a la même valeur quel que soit l'établissement d'origine des élèves. Et cela n'est possible que par l'anonymat des copies et par les épreuves terminales. Parce qu'avec un bac en contrôle continu, comme l'imaginait François Fillon en 2003, ben, l'égalité des élèves sur tout le territoire de la République, elle aurait... Enfin, qu'il soit général, technologique ou professionnel, le bac reste chaque année un moment important dans la vie de centaines de milliers d'élèves, de milliers de correcteurs et de millions de parents. Le bac, c'est une organisation gigantesque qui stresse autant les candidats que ceux qui organisent les épreuves. Mais bon, tout le monde le sait, pour réussir, il faut travailler régulièrement toute l'année. Et surtout, surtout, il faut avoir une vie saine quand on passe le bac. La gueule en vrac. Ah ouais, en plus, je pue des yep. Il faut pécho le bus de 7h et faire son sac. Allez, qu'est-ce que je prends comme affaire ? Tout ça pour voir la gueule de Ray, de mon prof de maths. 2 plus 2. Qui dit, faut passer ton bac, faut passer ton bac, faut passer ton bac. Ah ouais, fais poyer. À la fin des cours à 16h, je guiderai une meuf classe. Ouais, c'est une beubonde, ça. Je lui dis, on va chez Watt juste un quart d'heure. Et je te mets ta race. Elle a un huc, mon pote. T'aspect, va. Elle reste le nez dans ses classeurs. Genre première de la classe. Ouais. Et me dit, faut que je prépare mon bac. Faut que je prépare mon bac. Faut que je prépare mon bac. Je retrouve mes potes à 18h. Au café d'en face. Paul, une tourtelle. Je revends parce que j'ai un graveur. Des CD comme As. Trop fort le CD. Je me fais serrer comme un dealer. Par un keuf qui passe, papier, qui lui a pas eu son bac, a pas eu son bac, a pas eu son bac. Le soir je rentre chez WAM à pied, dans mes Adidas. Hey, c'est loin en plus. C'est grave. Mes parents m'attendent pour gueuler, me traitent de feignasse. Et quand est-ce que tu vas te mettre à travailler? Pour me détendre j'allume la télé, Yannick Costa y agace. Oh non, je me dis, faut que je passe mon bac. Faut que je passe mon bac, faut que je passe mon bac. Ouais, alors là faut que j'y pense là. Vivement qu'on voit cet été, pour que je me casse. Pas très loin. Moi, je vais me faire bronzer les yoks. Je planterai ma tente à Saint-Tropez, ou pas la vase. Merde, on a oublié la glacière. À toutes les meufs qui sont gaulées, comme des bombasses. Je dirais que j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac. Oui, bon rattrapage. Gna gna gna gna gna. Le soir en bois je vais me déchirer, je serai fracasse. Je vais en prendre un quand même. Je ferai bouger mon corps bronzé sur des jeunes masses. En rouge et noir. Il faut pas comme l'été dernier que je brosse tout ce qui passe. Faites la gueule les parce filles. Parce que hein. J'ai eu des morbacs, j'ai eu des morbacs, j'ai eu des morbacs. J'ai eu une petite ch'touille aussi hein. Dans 20 ans je serai un mec rangé, j'aurai de la caillasse. J'aurai une femme et trois mouflets, un Renault Espace. Je sais pas les prénoms de Kevin peut-être. Et quand mes gamins me feront chier pour zapper la classe, je dirais faut passer votre bac, faut passer votre bac, faut passer votre bac. Parce que sinon tu la vois celle-là. C'est énorme. Mention félicitations pour Faut passer ton bac que te recommandait déjà en 2002. Le groupe 6-9. Faut passer ton bac parce que sinon, plus tard, tu n'auras ni caillasse, ni meuf classe, ni Renault Espace. Le bonheur, quoi. Alors, pour continuer notre route sur les chemins du plus célèbre des examens, après avoir survolé l'histoire de ce baccalauréat, il est temps maintenant, toujours en direct du Mansion Palace, de nous intéresser aux malheureux candidats du bac qui vont devoir se présenter à l'oral de rattrapage dans quelques jours. Oui, qui sont-ils exactement ? Le candidat ou la candidate qui se retrouve à l'oral de rattrapage du baccalauréat, c'est un peu comme une âme catholique qui n'aurait pas mérité le paradis du premier coup. Autrement dit, la repêche donc, c'est un peu le purgatoire. Ainsi, le candidat en question n'est pas immédiatement condamné à l'enfer d'un redoublement puisqu'on lui offre une seconde chance d'être bachelier. La repêche, c'est parfois la rédemption. En tous les cas, c'est la possibilité d'essayer de racheter ses fautes. Du coup, lorsqu'un candidat au rattrapage se présente devant l'examinateur, c'est un peu comme s'il passait le grand oral devant Saint-Pierre. On comprend mieux l'enjeu de ces quelques minutes cruciales d'un oral de bac. D'ailleurs, bien souvent, par leur comportement, leur regard et leur façon d'agir, tous ces élèves convoqués au rattrapage du baccalauréat n'expriment en réalité qu'un seul vœu au professeur. Oui, pour tous ces mômes, à ce moment-là, l'oral du bac c'est... Alors, face à un tel enjeu, en général, le candidat au rattrapage du baccalauréat a énormément préparé son oral. Durant quelques jours, il a révisé comme un malade, il connaît ses fiches par cœur et en quelques minutes, le professeur avisé qui se trouve face à lui comprend très vite que l'élève a su structurer son exposé et qu'il n'a pas fait le voyage pour rien. Petit 1, Jean-Paul Sartre était un philosophe qui a bien marché. Comment ? Je commence. Ah mais j'avais commencé là. Ah l'historique. Ok, historique. Alors petit 2, l'historique. J'ai fait petit 1, petit 2. Bon, Jean-Paul Sartre est né. Jean-Paul Sartre est né. Il est né. Ça on en est sûr, hein, il est né. Et alors après il fait l'école. Alors à l'école ça se passe bien. Ça marche bien, ça marche. Faut dire que les profs savaient quand même qui c'était. Hein. Bon, pendant la guerre, Sartre c'était l'époque de Rousseau. Pendant la guerre, il a eu tendance à se taire, un peu comme tout le monde. Mais alors après, il était plutôt... C'était pas un nazi, mais enfin, je crois qu'il était quand même bien droit. Non, non, non, non, non, non, non, non, bien sûr, gauche, bien sûr. On l'a bien vu en mai 48, quand il y a eu la révolution des étudiants. Il était... Comment ? Qu'est-ce qu'il a écrit ? Ah, oui, c'était pas un peintre. Alors... Le misérable, c'est pas lui, c'est Goethe. Je sais pas. Comment? Les mains sales? Jean-Paul Sartre a écrit les mains sales? Ça compte, bien sûr, vous l'avez dit, bien sûr. Je continue très bien. L'entourage, d'accord. Petit 3, l'entourage. Jean-Paul Sartre était quelqu'un de très entouré. Comment? Sa femme? Bah, sa femme, bien sûr. Bah, bien sûr, je la connais. Bah, c'est Madame Sartre! De Beauvoir, je le savais. Est-ce que j'ai terminé? Pourquoi j'ai oublié des trucs? Ça veut dire que je l'ai pas. Au revoir, madame. Et oui, malgré leur grosse préparation intellectuelle et psychique, il arrive malheureusement que certains élèves échouent à l'oral du bac et sont ainsi condamnés à retenter leur chance dès l'année suivante. Cela dit, avant le verdict final, d'autres candidats, en général des candidates, utilisent d'autres subterfuges pour tenter de décrocher quelques petits points supplémentaires. Ainsi, parfois, à l'oral du bac, lorsqu'un professeur d'histoire, par exemple, demande à une adolescente « Comment peut-elle dire que le général de Gaulle était communiste ?», celle-ci, en faisant des boucles avec ses cheveux, lui répond que « C'est pas ma faute, et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres, tout prêt à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi, si j'entends tout autour de moi, Hello Elitéon, moi Lolita. » Et voilà. Même à l'oral du baccalauréat, la vie est injuste car parfois, c'est 3 points de plus pour Lolita. Tout cela étant dit, parmi tous ces élèves de terminale qui sont à la repêche, il ne faut jamais oublier non plus qu'il y a tous ceux et celles qui ont été victimes d'un accident de parcours. Ça arrive. Bien sûr, il y a ce fameux candidat, plutôt doué, qui, va savoir pourquoi, a pris 5 en maths alors que pendant toute l'année, il cartonnait à 15 et qui du coup se retrouve au repêchage, en panique, pépère, pour tenter de sauver sa mise. Mais il existe aussi le cas opposé, à savoir le candidat fumiste qui, là aussi, va savoir pourquoi, se retrouve à la surprise générale en ballotage favorable. Mais bon, un candidat fumiste reste un fumiste, alors pour lui, face au professeur, son exposé à cet oral inattendu, ça se résume souvent en quelques mots. Travailler, c'est trop dur. Alors, nous voici donc arrivés à mi-parcours de cette émission consacrée au baccalauréat et pour venir en aide à tous les candidats et candidates qui seront convoqués au repêchage dès la semaine prochaine, nous avons décidé de leur filer un coup de main. Ainsi, nous sommes allés voir le célèbre et facétieux professeur Rollin afin qu'il nous offre quelques conseils essentiels pour optimiser les chances de ces mômes à l'oral de rattrapage du baccalauréat. Donc, voyons cela ensemble, juste après le jingle. C'est cadeau. Alors, il y a un conseil, je crois, qui est primordial, parce que nous arrivons dans une saison plutôt chaude. Sur le plan vestimentaire, le maillot de bain n'est pas le bienvenu pour un oral du baccalauréat. Ça, c'est important. Ça n'est pas qu'ils seront refusés à l'entrée, mais je crois que ça induit quelque chose qui est un peu extérieur au sujet. Alors, je ne suis pas non plus pour les coups. Je crois que ça n'est pas une bonne idée, même si on est dans un embarras intellectuel, de taper sur l'organisateur, ni à main nue, ni à coup de parapluie, même si c'est toujours amusant, c'est vrai, de taper sur un vieux professeur à coup de parapluie, je peux le comprendre. Mais je crois que ça n'est pas recommandé non plus, si l'idée est d'avoir une bonne note. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, je crois que c'est une bonne idée de répondre à la question qui est posée, et non pas à une autre question qui vous aurait été posée, par exemple, par un beau-frère 3 jours avant. À ce moment-là, on entend bien l'élève qui dirait « mais j'ai répondu à la question ». Oui, c'est vrai, mais quelle question? La question, est-ce que tu veux reprendre un apéritif? Mais ce n'est pas la question du baccalauréat, c'est la question de ton beau-frère. Voilà, je crois, les grandes lignes qui permettent à un élève, d'une part, de bien se tenir et d'autre part, de s'assurer, alors pourvu qu'il ait les connaissances requises, eh bien, d'une note aux alentours de 19, 19,5 et pourquoi pas le fameux 20 qui fait plaisir à tout le monde. Alors, je crois que dans votre générosité, professeur Rollin, vous avez préparé quelques questions, quelques filons. Dites-nous, quelle question, quelle réponse? Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? Littérature peut-être, professeur Rollin, ou mathématiques, alors, oui, je ne sais pas. Oui, littérature, si vous voulez. Alors là, une question qui tombe chaque année et qui peut retomber, donc c'est peut-être pas mal de la traiter rapidement. Bien sûr. C'est quels sont les ouvrages majeurs concernant la perdrix? Alors, je réponds qu'il est important de faire le tri parmi les milliers d'ouvrages concernant la perdrix et le perdreau. Tous ne sont pas sérieux, certains sont même carrément fantaisistes. On peut donc citer 5 ouvrages, c'est suffisant pour une première approche. À commencer par l'excellent livre de Gérard Thibaudin, « Je chasse la perdrix », un guide très pratique et très documenté dans lequel Thibaudin nous raconte comment il chasse la perdrix. Et puis, un peu en réaction à l'ouvrage de Thibaudin, il y a le livre d'Antoine Le Sourd intitulé « Je chasse les perdrix ». En effet, Le Sourd démontre par l'exemple qu'il n'y a pas sur la Terre une seule perdrix et qu'il est donc absurde de dire, comme le dit Thibaudin, « je chasse la perdrix », car une fois que la perdrix unique est chassée, il n'y a plus rien à chasser. Le Sourd estime par conséquent que seule la formule « je chasse les perdrix » est intelligente. En réaction cette fois au bouquin de Le Sourd, Thibaudin a écrit un second livre, un peu polémique c'est vrai, mais d'une lecture agréable, un livre intitulé « Je chasse la perdrix morte ». Thibaudin répond en quelque sorte à Le Sourd en affirmant qu'une fois la perdrix chassée, il est encore possible de chasser indéfiniment la même perdrix, mais morte. Une thèse audacieuse, mais finalement assez convaincante. Quatrième ouvrage à consulter, la réponse de Le Sourd au « Je chasse la perdrix morte » de Thibaudin, qui s'intitule « Thibaudin est un charlot ». Il y est surtout question de Thibaudin, mais on y trouve quelques passages assez poétiques concernant les perdrix. Et puis pour finir, un ouvrage essentiel, c'est celui de Thibaudin, qui a pour titre « Des cons comme Antoine Le Sourd, ça donne envie de pleurer ». Il n'est pratiquement question que d'Antoine Le Sourd dans ce livre, mais il y a tout de même en annexe une recette assez adroite de perdrix au vermouth. Voilà, et bien c'était le professeur Rollin pour la panique au Mangin Palace. Merci professeur. The Last Wig, Sean Barth sur son album Under the Trampoline. The Last Wig, la dernière perruque, parce que la boule à zéro et la perruque, il n'y a rien de tel pour échapper au bac à shampoing. Alors, pour poursuivre notre voyage dans l'univers du baccalauréat, à l'heure où les candidats de cette année sont au taquet, la panique au Mangin Palace a décidé ce matin de t'offrir un scoop énorme. La panique a donc envoyé ses enquêteurs dans les caves des rectorats pour choper les archives et pour te dévoiler aujourd'hui comment nos leaders politiques ont vécu en leur temps le baccalauréat. Tout d'abord, la fin d'une année de terminale, ça signifie pour les élèves faire ses vœux d'orientation. Et oui, il est important de savoir dans quelle filière s'inscrire après le bac pour atteindre le métier qu'on veut exercer. Ainsi, Nicolas Sarkozy, dynamique élève de terminale au lycée Chaptal, voulait absolument avoir un métier qui le placerait au-dessus des autres, un métier où il serait aux commandes. Oui, Nicolas, il voulait être astronaute. Alors, il est allé voir le conseiller d'orientation. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Hein? Astronaute? Astronaute, qui dit? Tu me diras, ils ont envoyé des singes, hein, pourquoi pas de... Non mais arrête là, arrête, va falloir redescendre mon con. Astronaute. Non mais moi je te parle de ton avenir. Je te propose quelque chose qui va te permettre de grailler mon con. BEP Bioservice. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, le BEP Bioservice, c'est le BEP Ménage. Il existe vraiment, je vous jure. BEP Bioservice, quand on m'a dit ça, je me suis dit, c'est génial, je veux travailler dans le plutonium. Non, tu vas travailler dans l'eau de Javel. Mais c'est bien. Arrête, arrête, arrête. Écoute-moi bien. T'as aucune chance. Alors saisis-la. Bon, Nicolas Sarkozy, il n'a pas fait le BEP Bioservice. Enfin, remarque, il a quand même gardé le goût du Karcher. Par ailleurs, la fin d'année, le terminal, c'est aussi le conseil de classe du troisième trimestre, un moment important pendant lequel les enseignants inscrivent sur le livret scolaire de l'élève un avis très favorable, favorable ou doit faire ses preuves. Et parfois, les débats sont houleux, comme ce fut le cas, par exemple, pour l'élève Laurent Fabius. Vous n'allez tout de même pas lui refuser les félicitations. C'est le seul élève à peu près bon en maths. Il fout rien en gym. Il a un de moyenne. C'est vrai qu'il n'y a qu'en gym que ça ne va pas. Aujourd'hui, on a plus besoin de cervelle que de muscles. Eh ben, il n'y a qu'à la supprimer, la gym. Comme ça, il n'y aura plus que des avortons avec une grosse tête de citrouille et un squelette, comme vous. Allons, allons, messieurs, nous nous égarons. Et en histoire-géographie ? Bon, il croit que Hong Kong est un gorille géant. Mais à part ça, ça peut aller. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour celui-là ? Qu'est-ce que je mets aux parents ? Bon, pour celui-là, plus rien à faire. Vous n'avez qu'à dire aux parents d'en faire un autre. Les profs, ils sont vraiment trop cruels. Alors voilà, les cours de terminale se terminent et c'est le temps des épreuves écrites. Chacun devant sa feuille tente de faire de son mieux en espérant échapper aux oraux de rattrapage. Après avoir laissé le temps aux correcteurs d'agir, les listes de résultats sont affichées dans les centres d'examen. Quand on va voir si son nom est sur la liste, on a le cœur serré, c'est l'angoisse. Ainsi, François Hollande, il avait demandé à sa copine Ségolène de l'accompagner et de le soutenir. Laisse-moi, je t'en supplie. Pour François Hollande, tout s'était bien passé, il a été reçu au premier tour. Il faut dire que sa copie de philo était excellente, car le sujet « Un chef est-il toujours celui qui commande ?» François, ça l'avait beaucoup inspiré. Mais hélas, pour Ségolène et pour quelques autres candidats, ce fut l'épreuve redoutée des oraux de rattrapage. Alors, pour tous ceux qui risquent d'aller au rattrapage dans les jours à venir, la panique au Mangin Palace va te livrer quelques conseils. Tout d'abord, sache qu'il faut tout réviser et ne pas sauter des chapitres du programme. Ségolène, elle, elle avait fait des impasses. Qui était Galilée ? C'est un inventeur célèbre. Je crois qu'avant lui, la Terre, elle tournait pas. Bien, bonne chance. Bon, c'est clair, aujourd'hui encore, tous les dossiers ne semblent pas maîtrisés. Autre conseil de la plus haute importance pour l'oral de bac, il ne faut pas avouer à l'examinateur qu'on n'a rien révisé. De même, si à l'oral, tu tombes sur un sujet que tu ne maîtrises pas, ne panique pas, reste décontracté et essaie de faire au mieux, comme l'avait fait Thierry Breton, l'actuel ministre de l'économie, lors de son oral de géographie. Bon, ben vous allez me parler de l'effet de serre maintenant. L'effet de serre, en fait, c'est la couche d'ozone. Vu qu'il y a plus de soleil, les glaciers fondent plus facilement. Mmh. Et toutes les villes qui sont près de la mer, comme la Normandie, Bastia, Genève, ils seront submergés par la mer. Donc en même temps, c'est pas un problème, vu qu'il y a beaucoup de problèmes de chômage. Ça va les enlever. Et du coup, ce sera beaucoup mieux, en fait. C'est une bonne solution, ça. C'est parfait. Mmh. Bonjour, merci. Et oui, quand on tient une bonne idée pour résoudre le chômage, il ne faut pas la lâcher. Alors, autre conseil très important pour ton oral de bac. Si après ton exposé, l'examinateur te pose une question vicieuse, surtout dans ces cas-là, il ne faut pas t'énerver. Je dénonce la facilité et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté. La lâcheté. Asseyez-vous. Qu'il y a dans votre attitude. Asseyez-vous. Je le redis. Asseyez-vous. La lâcheté. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous vous excuserez le lendemain. Et puis, si malgré tous ces conseils, tu loupes ton bac, surtout, surtout, ne dis jamais que tu te retires définitivement de la vie scolaire. Et oui, parce qu'après, tu as l'air fin. Tu es bon pour partir en vacances dans l'île de Ré et y rester. Et là, sans le bac, l'avenir est bouché. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps ? que sera ma vie. Enfin, dis-toi qu'il n'y a pas d'âge pour repasser son bac. Tous les ans, il y a des candidats libres qui réussissent l'examen. Tiens, par exemple, président Chirac, il a reçu un vif soutien quand il s'est réinscrit. Comment envisagez-vous votre avenir ? Oh, ça n'est pas pour mon avenir que je veux mon bac. Allons, allons, vous êtes de loin le plus jeune de nous tous, mais si. Par ailleurs, vos copies sont plus que satisfaisantes. Simplement, un détail, le Congo belge n'existe plus, et l'Afrique équatoriale française non plus, s'il vous plaît, silence ! Silence ! Oh, mais madame, je vous jure que c'est ce qui est écrit dans mon livre. Il faudra vous en procurer de plus récents. Ah. Mais non, on sait tous que président Chirac, il a son bac. D'ailleurs, ça rime. Pourtant, dans quelques semaines, le 14 juillet exactement, il va devoir passer un oral. Et c'est certain, les journalistes, ils vont sans aucun doute poser plein de questions à président Chirac. Alors, espérons qu'il ait bien écouté nos conseils, qu'il ait révisé ses dossiers, qu'il ne s'énerve pas, en gros, qu'il reste tranquille, peinard quoi. Bien ou quoi ? J'étais à la cool, tranquille, ça se passe, short peinard. À la ramasse, le type a surgi dans la place, sur un scooter façon Mad Max, puis il s'est approché de moi. Combat de regard, je le sentais pas. T'as le trois quarts, ma caille, c'est pour l'iscaille. Moi je me les gèle sur mon booster, avec ça j'serais un vrai rappeur. Alors ma gueule tu la ramènes, je vais t'apprendre à jouer à Tekken. Fais-moi ton cuir, je suis trop vénère. Moi je lui ai dit, lâche l'affaire. Il m'a mis un low kick, j'ai esquivé sourire. T'as enchaîné, retourné, je lui ai filé mon cuir. J'étais à la cool, tranquille, ça se passe, sortais d'un rad, bouffé un grec, le type a surgi sur le boulevard, dans un coupé, il était pas net, puis il s'est approché de moi, combat de regard, je le sentais pas, wesh, gosse beau, t'as sorti le fut à la cigale, c'est trop de la balle, regarde comme il craint mon baggy, avec le tien, j'serai un vrai MC, viens faire un tour dans ma merco, je vais t'apprendre ce que c'est qu'un braco, tu sais, je suis croque de ton streetwear, moi je lui ai dit, lâche l'affaire. Il m'a fait une balayette, je lui ai mis un frontal, t'as enchaîné coup de tête, je lui ai filé mon futal. J'étais à la fraîche, je me faisais zizir, je buvais ma Rubik's dans le RER. Les lascars ont surgi dans le wagon, ils étaient 15, c'était pas bon. Puis le pistocma s'approche de moi, combat de regard, je le sentais pas. Matt Lucky Dam, il a les Air Max à Jordan. Alors Blanc-Bec, t'aimes le basket? Bah on va ouais, j'ai ma façon. Je vais juste un peu changer les règles. On est les joueurs, toi t'es le ballon. File-nous tes pompes, enculé de ta mère. Moi je lui ai dit, lâche l'affaire. M'ont mis deux, trois que clas. J'ai fait, ah ouais les mecs, j'ont sorti un pushka. J'ai filé mes baskets. La morale de cette pauvre histoire, c'est que quand t'es tranquille et peinard, il faut mieux rester dans les bars, surtout quand tu commences à boire. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil en chaussettes, toi barre l'imagination pour inventer un bon remake. Lâche l'affaire, reprise exceptionnelle de Les Bétons, interprétée par le ludique Erwan, un tube qui va sans doute décrocher la mention très bien durant l'été. Lâche l'affaire, c'est ce qu'on aurait pu dire au candidat Raymond Domenech qui a bien failli échouer à la première série d'épreuves, mais bon, il vient d'être repêché in extremis, donc on verra la suite pour l'obtention du diplôme final. Alors, pour poursuivre notre fabuleux voyage sur la planète du Bachot, il est grand temps désormais, à 11h43, de retrouver pour la dernière fois de la saison nos deux copies doubles, les éternels lycéens Monique et Jean-Claude. Cette année, comme de nombreux autres parents, avant les grandes vacances, ils attendent avec fébrilité les résultats de leur fille Elsa au baccalauréat série Sciences Éco. Seulement voilà, Elsa n'est pas une très bonne élève et l'année scolaire n'a pas été très encourageante, c'est le moins qu'on puisse dire, pour l'obtention du fameux diplôme. D'ailleurs, le conseil de classe lui a collé sur son livret « doit faire ses preuves à l'examen ». Jean-Claude était furax, mais bon, elle est comme ça, Elsa. Les maths pour moi, c'est un vrai cauchemar. C'est à cause d'elles que je me couche tard. Ils ne servent à rien, tous ces problèmes. Ils sont idiots, mais faut les faire quand même. Moi, je suis douée, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Uniquement pour la récré. Le français, ça ne me plaît pas. C'est une matière que je n'aime pas. Et la grammaire, je l'ai prise en grippe. Je peux pas m'accorder avec les participes. Moi, je suis douée, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Uniquement pour la récré. Eh oui, déjà l'an passé, en première ES, Elsa, la fille de Monique et Jean-Claude, a dû passer à l'oral pour son bac la biologie. Et elle n'a pas cartonné, le prof lui a collé 6. Tu me diras, il y avait de quoi. Quel est le taux de fécondité en France en 2002? Le taux de fécondité en France en 2002 est de 2, parce que, enfin, l'indice est de 2, car on doit être 2 pour faire un enfant, mais on peut être 3 ou 4, mais bon, c'est préférable. Et en 2003? 3. Vous êtes sûr? Ouais. Donc, bien entendu, avec son 6 en biologie, Elsa a quelques points de retard avant même que les épreuves terminales aient commencé. Inquiet, Monique et Jean-Claude ont donc cherché à combler les lacunes de leur fille et ont donc dépensé une fortune depuis quelques semaines pour lui payer des cours particuliers avec un jeune étudiant, comment dire, lui aussi très particulier avec Elsa. Le bac c'est l'enfer cette année, t'as flair normal quand on passe sa vie en boîte de nuit dans le délire. Tu as raison d'allier travail et plaisir, mais laisse de côté l'écrit que tu maîtrises mal. Je te ferai passer l'oral sur ma fleur de mal. Bien révisé, oui bien révisé. Révise tes mathématiques en mesurant matrique pour te faire délivrer mon ordonnance. Le docteur devient correcteur pour sa patiente. Comme mon cœur, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Au moins, en biologie de la reproduction, désormais, la jeune Elsa est à niveau. Heureusement que Jean-Claude, comme tous les autres parents d'ailleurs, ignore tout ce petit manège des cours particuliers. Mais bon, pour Elsa, il n'y a rien à faire. À quelques jours du bac, c'est toujours le même cirque. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, puis je fume. Excédé par ce comportement manfoutiste de sa fille vis-à-vis du baccalauréat, Jean-Claude, qui accorde une place primordiale au diplôme, n'a pas tardé à hausser le ton. Si tu n'as point fini tes leçons, ça fera du bruit à la maison. Tes devoirs sont très mauvais, tu sais, il te faut les recommencer. La, la, la, la, la, Monique, quant à elle, tout aussi inquiète, mais bardée de diplomatie, a tenté elle aussi, à l'approche du bac, de parler à sa fille, mais sur un autre ton que son père. Quand j'avais ton âge, je lisais Virgile, Homère et César, parfois, Cicéron. Mais comme ça me semblait vraiment trop facile, en même temps je faisais quelques équations. Tu parles. Monique qui a lu Virgile, t'as qu'à croire. En latin, dans qu'à faire, hein ? Elsa, elle se doute bien que c'est n'importe quoi. Mais bon. Toujours est-il que la veille de la première épreuve du bac a fini par arriver, et ça commence bien sûr par la redoutable épreuve de philosophie. Ce matin-là, toute la famille est sur le pont. Jean-Claude est anxieux, mais il croit en sa progéniture. Il est debout depuis 6h30. L'épreuve de philo débute à 8h tapante. Il doit accompagner sa fille en voiture au lycée Amel Bent. À 7h pétante, Monique, elle, entre dans la chambre d'Elsa. Coucou mon petit lapin, il est 7h, il va falloir te lever. T'as les yeux encore collés, il est 7h, faut se lever. Le réveil te crie, faut y aller. Et maman vient te secouer. Quatre pattes sur le lino, tu te traînes encore KO vers ton bol de cacao. T'es en retard, t'es la radio. Elsa a mal dormi, le trac du bachelier sans doute. Elle a eu du mal à trouver le sommeil malgré le yaourt qu'elle a ingurgité hier soir avant de se coucher. Après un passage éclair dans la salle de bain, elle attrape son sac et la voilà prête pour affronter la philo. Dans la voiture, pour aller au lycée en ce premier jour du bac, pour une fois, Jean-Claude fait preuve d'une rare diplomatie envers sa fille. Je te sens nerveuse, au bord de la colère. Alors je ne dis rien, mieux vaut être prudent. Si je disais un mot, ton fichu caractère m'enverrait sur les roses et l'on perdrait du temps. Voilà, voilà. Elsa est arrivée au lycée, elle a l'estomac noué. Elle a présenté sa pièce d'identité et sa convocation, elle est installée à sa table d'examen. Devant elle se trouvent les copies blanches et les brouillons roses. Elle attend la distribution des sujets. Le surveillant les lui tend, elle s'empresse de les lire. Elsa est dépitée. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien. Pendant que ses petits camarades commencent immédiatement à gratter leurs ébauches de plans, Elsa panique, rien ne vient et au bout d'une heure, elle demande au surveillant si elle peut se rendre aux toilettes. Une fois enfermée, Elsa se précipite sur son téléphone portable qu'elle avait planqué sur elle et appelle son ami Sébastien. Allô Seb, rappelle-moi s'il te plaît. Rappelle. Laisse tomber là ce qui est en train de se passer. Ça fait des heures que je suis devant ma feuille, il n'y a rien qui sort. Rien. Rien, la feuille, elle est blanche. J'ai plus rien à dire, ma vie, elle m'inspire pas. Il n'y a plus rien qui m'inspire. J'ai plus rien à foutre de tout là. J'ai fait une connerie. Je vais faire une connerie, rappelle-moi s'il te plaît mon pote, rappelle-moi. Rappelle. Après quelques minutes d'attente, assise sur la cuvette, Elsa constate amère que son pote Sébastien ne la rappelle pas. Elle doit alors retourner en classe pour ne pas rendre une copie blanche. Elle arrive tout de même à aligner quelques idées et se dit qu'on verra bien. Le bac, ça semble mal barré pour cette année. Le midi, dans la voiture, Jean-Claude voit bien que sa fille chérie n'est pas au mieux. Alors il tente de la rassurer et de lui faire comprendre qu'il sait bien qu'être lycéenne, ce n'est pas facile. Dans tes classes de lycée, il y a du sang et il y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirées qui font des bleus à ton âme. Depuis, paraît-il, les autres épreuves du bac se sont mieux déroulées pour Elsa. Elle a même l'espoir, va savoir, d'être convoquée à la session de rattrapage. Certes, Monique et Jean-Claude sont inquiets, mais ils savent bien qu'il y a plus important dans la vie que le baccalauréat. Fin de l'histoire, toujours est-il que pour Elsa, depuis quelques jours, même si elle révise un peu ces temps-ci, une chose est sûre, elle est déjà en vacances. Donne-moi ta main et prends la mienne. L'école est finie, c'est ce que répète clairement Sheila en 1963. L'école est finie parce que bientôt, après les résultats du bac, ce sont les grandes vacances, y compris pour nous, dis donc, dans 5 minutes exactement. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre voyage au cœur du plus célèbre des examens. De la copie blanche à la mention très bien, des conseils du professeur Rollin à l'antisèche foireuse d'Elsa et du bachotage au repêchage, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peut être le fameux baccalauréat. Alors, c'est quoi exactement le baccalauréat ? Eh bien, c'est devenu aujourd'hui un passage obligé, mais c'est avant tout le premier diplôme du cursus universitaire, faut le savoir. Par ailleurs, si on englobe les élèves de première et ceux de terminale, cette année, ce sont plus d'un million de candidats concernés par cet examen, et presque deux fois plus de parents, bien entendu. Des parents qui, pour la plupart, te collent une sacrée pression pour que tu l'aies ce bac. Alors qu'en vérité, ça va te paraître incroyable, mais on peut réussir sans le bac. Tiens, par exemple, ni François Truffaut, ni Gérard Depardieu, ni Sacha Guitry, ni même Jean-Pierre Foucault n'ont eu leur bac. D'ailleurs, ni Xavier Mauduit et moi-même n'avons notre bac. Non, oh, là on déconne. Cela dit, il y a une certitude. Quand tu décroches ton bac, bien souvent, c'est l'année de tes 18 ans. Et alors, quand l'été se pointe, ce sont tes premières vraies vacances. Mes premières vraies vacances. J'en rêvais depuis longtemps. Et cette année, j'ai la chance de partir sans mes parents. Ce n'est pas que ma famille soit vraiment collée montée, mais moi, je suis grande fille, j'ai besoin de liberté. C'est France Gall qui fait toujours un carton dans les bacs. Voilà, fin du 42e et dernier épisode de la saison. C'était « C'est quoi le bac ?» revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. Alors justement, il faut remercier tout le monde pour cette dernière de la saison. Et tout d'abord, merci beaucoup à Xavier Mauduit, le co-auteur de cette émission tout au long de l'année, qui est aussi professeur d'histoire-géographie dans la vraie vie et qui corrige en ce moment le bac. Comment ça va, monsieur Mauduit ? Eh bien, ça va très bien, monsieur Colin. Bonjour, bonjour à la France Inter. Ça va très bien parce qu'aujourd'hui encore, on a réussi à envoyer plus de 40 éléments sonores, 5 CD, pas mal de textes, tout ça en moins d'une heure, sans que ni la machine ni Marco n'explosent, et c'est tant mieux. Bon, pour Marco, on avait confiance. Voilà, je profite du micro, Philippe, pour te remercier très fort au nom de toute l'équipe pour cette aventure formidable. Total Foutrac, qu'on vit ensemble depuis un an maintenant, oui, avec Marco, Amel, Catherine et Flora. Donc merci beaucoup, beaucoup de ce que tu es, surtout, surtout, monsieur Colin. Ne lâche rien. Merci. Merci Mauduit pour ton talent surtout. Voilà, toujours au platine, au montage et à l'area. Il y avait bien sûr H2M, Henri, Marc Mutel. Merci beaucoup Marco pour tout ton talent et toute ta patience cette année. Et merci aussi pour Émile Fouchetard, assisté aujourd'hui à la technique de Jean-Noël Vélan et de Bertrand Durand. Merci à vous deux, mais aussi à tous les techniciens qui ont sué sur la panique. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Caldi, Flora Bernard et Catherine Pinto, trois drôles de dames qui se sont très bien occupées de nous. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi aux documentalistes de l'INA. Et puis, merci à Bernard Chérez, directeur des programmes de France Inter, qui nous a fait confiance depuis le début. Clin d'œil spécial à Frédéric Bonneau pour tous ses encouragements. Merci aussi à quelques personnes essentielles, Joe Dassin, Claude François, Dalida, Monique et Jean-Claude, on les adore, mais aussi Rémi et Elsa, Nathalie, Michal et tous les autres. Et enfin, merci surtout à vous tous et à vous toutes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous écrire, et même si on n'a pas pu répondre à tout le monde, on est désolé, mais ça nous a réellement porté. Maintenant, sortez vos agendas. Durant l'été, tous les dimanches sur France Inter à 11h, on garde la suite au Palace, puisque vous pourrez réécouter, a priori, les meilleurs épisodes de La Panique, enfin disponibles en podcast, mais attention, à partir de dimanche prochain seulement. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, La Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien, passez un excellent été. Prenez soin de vous, on se retrouve en direct le dimanche 11 septembre à 11h. Et oui, nous serons de retour, mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.